بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه حلقة جديدة. On continue notre série de cours sur les sectes en islam. Et اليوم نقف قليلا مع هذا التنظيم الإجرامي، تنظيم القاعدة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. Donc aujourd'hui, on résume ce qui concerne cette organisation, القاعدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Donc, في هذا الحديث، le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé أن في آخر الزمان، à la fin des temps، قوم حدثاء الأسنان، أي un groupe de jeunes سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، أي ils prendront comme argument des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم il a montré le regardement. Et لماذا؟ لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام، طائشون، أنهم comprennent les textes avec leur passion et ils ne reviennent pas aux savants de la أمة. وتقدم معنا في هذه السلسلة ولله الحمد بيان حال فرقة الخوارج الأشرار. Dans les premiers cours de cette série, on avait étudié ensemble, walillahi alhamd, la secte des Khawarij. Lakin, aujourd'hui, c'est spécifiquement une étude en bref sur cette organisation, Al-Qaïda. Al-Qaïda. Wa su'ila al-allama Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, hal yujad fi hadha al-zaman man yihmil fikr al-Khawarij? Et cette question, elle est importante. C'est pour ça qu'on l'a cité au départ, avant de détailler qalilan, hatta on ne pense pas que Al-Khawarij n'existe plus. Al-Khawarij qui ont combattu Ali, radiyallahu anhu, et qui ont fait beaucoup de mal aux muslimines depuis l'époque de Sahaba, radiyallahu anhum, jusqu'à aujourd'hui. Ils existent toujours, comme a veillana Cheikh Al-Fawzan. Ils ont posé cette question: est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des Khawarij, des personnes qui ont cette croyance, les idées des Khawarij? فَأَجَابَ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَا سُبْحَانَ اللَّهُ وَهَذَا الْمَوْجُودَ لَيْسَ هُوَ فعل الخوارج وهو تكفير المسلمين وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء عليهم هذا مذهب الخوارج. فشيخ الفوزان حفظه الله il a été étonné de la question. لماذا؟ لأن tout ce qu'on vit à notre époque, أي تكفير المسلمين، أي des membres de ce groupe, ils rendent kuffar al-muslimin, comme on va voir, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les savants, ou que ce soit la masse des muslimins. أشد من ذلك قتل المسلمين، كذلك toutes ces tueries, tous ces attentats, والاعتداء عليهم, toutes ces injustices qui sont commises par هؤلاء au nom du din, au nom du jihad. فهؤلاء n'est aucun doute, أخي الكريم، أنهم سيد خوارج. ثم قال الشيخ وهو يتكون من ثلاثة أشياء. أي مذهب الخوارج il est fondé sur trois piliers qu'on a étudié ensemble ولله الحمد dans notre cours sur les خوارج. قال أولا تكفير المسلمين. Le fait de faire sortir المسلمين من الإسلام. أي les rendre mécréants. ثانيا الخروج عن طاعة ولي الأمر. Et ça c'est la conséquence du premier pilier. أي si c'est des كفار المسلمين et les gouverneurs et ceux qui leur obéissent, enfin pour eux, c'est permis de se rebeller contre ce gouverneur. Donc, le deuxième pilier, le khuruj. Le troisième, قال الثالثا استباحة دماء المسلمين. Vu que Et ils ont cette croyance que le gouverneur et ceux qui lui obéissent, ce ne sont plus des croyants, ce ne sont plus des musulmans. Donc c'est permis de se rebeller et leur sang, il est halal. Et ils ont droit de faire couler le sang de Haoula. Pourquoi? Parce que ce ne sont plus des croyants. قال هذا من مذهب الخوارج حتى ولو اعتقد بقلبه ولا تكلم ولا عمل شيئا même s'il ne le dit pas ouvertement. Lakin il a cette croyance dans son cœur. فهذا c'est un خارج. Il a la croyance des خوارج. قال صار خارجيا في عقيدته ورأيه الذي ما أفصح عنه. نعم. Donc, هذا c'est un résumé de cette secte Al-Khawarij qu'on a étudié ensemble auparavant. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va détailler sur Ha'oula. Al-Khawarij, Khawarij Had al-Asr. Les Khawarij de notre époque et parmi eux, Al-Qa'ida. Fal-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadhra min Ha'oula al-Sufaha al-Ta'ishin al-Asagir. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre Ha'oula, contre ce groupe Al-Khawarij. وقد ابتلينا في هذا الزمان بهذه الشرذمة الذين يدعون الجهاد وهم من أهل الإجرام. À notre époque, on a été éprouvé d'Iten par ce groupe des faibles d'esprit, des jeunes qui se précipitent, qui n'ont jamais étudié l'ilm. Leur seule préoccupation, c'est les gouverneurs. Leur seule préoccupation, c'est de rendre mécréants les autres. C'est devenu une passion, iyadam billah. Et cette passion, ils prétendent que c'est min al-jihad. C'est pour ça que l'ulama, ils considèrent al-khawarij, ils font partie de ahlul ahwa. Hatta ce jihad qu'ils proclament, c'est une passion. Ils sont très très loin du jihad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré et qu'il a appliqué, lui, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiyallahu anhum. فهم من أهل الإجرام والفساد. فمن المهم أن نعرف عقيدة هؤلاء وأصولهم حتى نحذر ونحذر منهم بعلم وعدل. Donc c'est très très important pour chacun de nous. ولله الحمد, c'est le but, comme on répète souvent dans cette silsila de ces cours sur les sectes. Très très important pour nous de connaître les fondements de هؤلاء. Ne pas parler sans ilm. Il y en a beaucoup de gens qui détestent Al-Qaïda. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Il faut les détester. C'est des moujrimoun, ils font beaucoup de mal. Lakin, ils dépassent les limites et ils ne réfutent pas avec science. Ben, le Rabbana, c'est pour faire plaisir à la masse, pour faire plaisir aux gens. Tout le monde est d'accord que Ha'oula est des égarés. Lakin, même avec les égarés, on doit parler bi'ilm. On doit connaître leur choubah. On doit savoir pourquoi ils se sont égarés en se basant sur les textes du Coran et de la Sunna. On n'a pas le droit de répondre aux passions avec nos passions. On n'a pas le droit de répondre à l'égarement avec des mensonges. Dans cette série, on a l'habitude ensemble de citer les fondements de ces sectes en se basant sur leurs livres, en prenant comme référence leur guide. Donc, awalan, on commence. نشأتهم وأبرز الشخصيات. Donc le premier point, نشأتهم, un bref historique de cette organisation, et كذلك leur guide. Donc نشأتهم, أولا, il y a ce qu'on appelle المرحلة الأفغانية, c'est le départ, et la période du jihad en Afghanistan. ففي الثمانينات, la fin des années 70, en 1979 pour être plus précis, l'URSS, l'Union soviétique à l'époque, ils ont envahi l'Afghanistan, un pays musulman. Thumma, dans les années 80, au début des années 80, qam al-jihad al-afghani did jaysh al-rus al-mu'tadi. Donc le jihad, il a eu lieu contre les Russes qui ont envahi injustement ce pays musulman, l'Afghanistan. فدخل الساحة الأفغانية كثير من الشباب من بلدان مختلفة. Et beaucoup de jeunes de différentes contrées, du Maghreb, d'Asie, d'Afrique, bien sûr d'Arabie, de la péninsule arabique du Yémen, etc. Ils sont partis pour combattre Haoula al-Mu'tadin, et les Russes. Et beaucoup de Haoula, beaucoup de ces jeunes, ils n'avaient pas de ilm. Ils n'avaient pas de ilm. Wa lil asaf, kana hunak kathirun min al-khawarij. Beaucoup de Khawarij, mais nous aussi le Khawarij, que ce soit d'Égypte ou d'Arabie ou autre, ils se sont rendus en Afghanistan pour participer au jihad. فنشروا فكرهم وغيروا فطرة هؤلاء الشباب. Et vu qu'ils se sont mélangés avec ces jeunes, ils ont changé leur vision des choses. Ben, ils ont touché à leur aqida. ومن هؤلاء الشباب شاب. Et parmi ces jeunes, il y avait un jeune qui s'appelait Oussama Ben Laden. قال أبو مصعب السوري كما في الصحوة الإسلامية: كانت الصحوة الجهادية قد خاضت مواجهات حقيقية وواسعة مع بعض الحكومات خلال السبعينات والثمانينات، حيث تكبدت فيها ضحايا كثيرة ودخلت في مطاردات أمنية ذات طابع استخباراتية. وكانت البوابة الأفغانية التي فتحت للجهاد منذ سنة 1984 أمام الصحوة الإسلامية عموما والجهادية خصوصا قد أغرت معظم قياداتها للذهاب إلى أفغانستان. هذا مصعب السوري تكفيري أصحاب القاعدة الخوارج اللي بخن سوفان en référence. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Et هنا il précise أن هؤلاء qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur pays, خاصة en Égypte, رؤوس الإخوان والخوارج, vu qu'ils avaient beaucoup de problèmes dans leur pays, ils en ont profité pour fuir et se rendre en Afghanistan pour combattre l'ennemi russe. ففي هذه المرحلة نزعوا من قلوب الشباب القادمين لنصرة دين الله محبة العلماء وطاعة الحكام. Cette période qui a duré quelques années, début des années 80 jusqu'à début des années 90. هؤلاء الخوارج ils en ont profité pour faire الدعوة حتى beaucoup de jeunes qui étaient partis en Afghanistan, ils n'avaient pas aqidat al-Khawarij. Ils étaient à al-Fitra, malgré leur ignorance pour beaucoup d'entre eux. Là, ils en ont profité pour salir l'image des savants et des gouverneurs des pays musulmans. فَأَصْبَحَ مَجَالِسَ هَؤُلَاء الْمُجَاهِدِينَ مَمْلُوءَ بِالطَّعْنِ فِي الْعُلَمَاء وَتَكْفِيرَ حُكَّامَ الْمُسْلِمِينَ. Beaucoup de leurs assises, c'était sur la critique des savants et des gouverneurs. Comme il a rapporté Sahib Matwiyat al-Jihad al-Afghani, il a rapporté كثير من كلام هؤلاء. صفحات مطوية من الجهاد الأفغاني, il a rapporté أن هؤلاء كانوا يكفرون الحكام, خاصة le roi d'Arabie Saoudite. وفي عام 1984 أسس عبد الله عزام ومعه أسامة بن لادن منظمة دعوية اسمها مركز الخدمات. ثم à cette période, au milieu des années 80, 1984, عبد الله عزام qui était هناك, et il est connu à هذا الرجل أنه c'était le modèle de Bin Laden. C'était le chef spirituel de Haoula. C'était une référence. Enfin, pour eux, enfin, ils ont organisé, ou ils ont instauré cette organisation au départ qu'ils appelaient Markez al-Khadamat. C'était pour accueillir les mujahidines, ceux qui veulent combattre l'ennemi russe en Afghanistan. وأسس كذلك أي بن لادن قاعدة للتدريب على فنون الحرب والعمليات المسلحة باسم معسكر الفاروق. كذلك à cette période بن لادن il a instauré un camp d'entraînement qu'il a appelé معسكر الفاروق, et c'était pour entraîner tous ces jeunes qui arrivaient pour combattre. وفي عام 1988 بدأ بن لادن عمله في أفغانستان بإنشاء سجلات القاعدة لتسجيل بيانات المسلحين. En 1988, Osama bin Laden, il a commencé à enregistrer le nom de tous les combattants. Et minhuna, une des causes que l'organisation plus tard, ils l'ont appelé Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est la base d'une chose. Qala Muntasir ou Muntasir al-Ziyat, comme dans la jarida al-Sharq al-Awsat, tous ces aqwal, la plupart, استفدناها من كتاب القصة الكاملة لخوارج عصرنا. C'est un كتاب طيب. C'est un livre très très profitable qui l'auteur il a raconté l'histoire des khawarij de notre époque. Et la période des Ikhwan al-Muslimin qu'on a expliqué wallahi alhamd dans le cours sur la secte des frères musulmans au début du 20e siècle jusqu'à l'apparition de l'Qaïda et la akhir. فقال منتصر زيات واستطاع الظواهري أن يحدث تحولات جذرية واستراتيجية في فكر أسامة بن لادن بعدما التقيا معا في أفغانستان منتصف عام 1988. En 1988, Osama bin Laden il a rencontré Ayman al-Zawahiri. هذا الإخواني qu'on citera un bref aperçu de lui, Inch'Allah Ta'ala. Pour l'instant, on a cité trois personnages qui sont importants pour comprendre l'organisation d'Al-Qaïda. Bien sûr, Osama bin Laden, et كذلك Abdullah Azzam, et le troisième, c'est Ayman al-Zawahiri. Qala, واستطاع al-Zawahiri, n'am. Donc, à cette époque, al-Zawahiri, il a réussi à changer la vision des choses d'Osama bin Laden. Léana Osama bin Laden, c'était un jeune parmi les jeunes à cette époque qui était venu pour combattre cet ennemi russe. Et dans cette époque, il a côtoyé cet ikhwani, Ayman al-Zawahiri, et il a commencé à changer. Et dans l'année 1990, t'amalou, deux ans après la rencontre de Ayman al-Zawahiri en Afghanistan, en 1990, هاجم بن لادن بلاد السعودية حرسها الله بسبب التواجد الأمريكي في بلاد الحرمين بعد الغزو العراقي للكويت. À cette époque, en 1990, juste après que les Russes soient sortis de l'Afghanistan, la fin des années 80, 1989 exactement, en 1990, il y a eu la première guerre du Golfe. Osama bin Laden, il a commencé à critiquer ouvertement le gouvernement saoudien et les gouverneurs par rapport aux troupes américaines qui étaient sur place. قال أسامة بن لادن كما في جريدة الرأي العام الكويتية. Dans ce journal, en 2001, أسامة بن لادن قال أفغانستان وحدها دولة إسلامية. Pour lui, le seul pays musulman, c'est l'Afghanistan. قال وأنا لا أعتبر السعودية دولة إسلامية. Et pour lui, المملكة العربية السعودية استبقى أن بي مسلم ونسأل الله السلامة. سأصنع موضح ماذا يا إخوان؟ أن الشبهات خطافة. On doit faire attention. هذا الرجل il s'est égaré pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, أنه il a fréquenté هؤلاء رؤوس الإخوان المسلمين. أيمن الظواهري c'est إخواني d'Égypte. عبد الله عزام il avait beaucoup de dégarements. Il s'était un ignorant. Et il s'est mélangé avec Haoula. Et تغير فكره حتى il a commencé à attaquer, à critiquer, à rendre mécréants les dirigeants de son propre pays. Bilad al-Haramein. Pour lui, il n'y a plus de pays musulman sauf l'Afghanistan. وفي نفس العام, en 1990 toujours, خرج بن لادن إلى بلاد السودان. En 1990, il a quitté l'Afghanistan et s'est rendu au Soudan. ثم في عام 1996 en 1996 غادر بلاد السودان متوجها الى افغانستان. En 96, il a quitté le Soudan et il est revenu en Afghanistan. ثم في سنة 1998 en 1998 تلاقى جهود أسامة بن لادن وأيمن الظواهري الأمين العام لتنظيم الجهاد الإسلامي المصري en 1998. Oussama Bin Laden, il s'est mis d'accord avec Ayman al-Zawahiri, et c'était le chef de Tandim al-Jihad al-Islami al-Misri, le groupe du Jihad al-Misri d'Égypte. Wa atlaqa ar-rajulan fatwa tad'u ila qatl al-Amerikan wa hulafa'ihim aynama thuqifu wa ila ijla'ihim min al-Masjid al-Aqsa wa al-Masjid al-Haram. Donc en 98, ils ont fait cette fatwa ensemble de tuer tous les Américains, où qu'ils soient, et kadalik ceux qui les soutiennent, et de libérer le Masjid al-Aqsa, de libérer la Palestine, et le Masjid al-Aqsa à Jérusalem, al-Quds, et de libérer kadalik le Masjid al-Haram. Le Masjid al-Aqsa, il a été injustement, et il est encore injustement occupé par les Yahouds. Le Masjid al-Haram, c'est des musulmans. Enfin, Andrew, ils ont mis au même niveau le Mamlaka al-Arabiya al-Saoudia avec Dawlat al-Yahoud. Ils ont mis au même niveau. Pour eux, comme Al-Quds et la terre de la Palestine, elle est occupée par des injustes, fahakada, la Mecque et Al-Madina. Thumma ba'da ahdath 2001, après le 11 septembre, فوجهت الولايات المتحدة صابع الاتهام إلى بن لادن والتنظيم القاعدة ثم بعد هذا التاريخ بعد هذا التاريخ اشتهر اسم هذا التنظيم عند العام والخاص ثم après les attentats de 2001 القاعده c'est devenu chez pour tout le monde une organisation terroriste et à partir de cette période après le 11 septembre 2001 tout le monde العام والخاص tout le monde a eu connaissance de ce groupe أي القاعدة. هذا c'est un bref historique et on conseille à nos frères pour ceux qui veulent التوسوع, ceux qui veulent détailler, et on a résumé beaucoup le livre qu'on a cité القصة الكاملة les خوارج عصرنا il a détaillé أكثر. لكن هذا c'est très très important de savoir la base. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Cet homme, Oussama Bin Laden, qui est né en Arabie Saoudite, qui a vécu en Arabie Saoudite, qui a été à l'école en Arabie Saoudite, qui n'avait pas ses pensées. C'est un jeune comme tout le monde. Pourquoi il a eu ce changement? La base de tout cela, c'est Al-Ikhwan Al-Muslimun. C'est le groupe des frères musulmans. تقدم معنا dans l'explication de la secte des frères musulmans. Anahum, c'est des khawarij. Ils rendent mécréants les gouverneurs. Ils appellent à la rébellion. Et ils avaient un tandrim. Ils avaient des organisations secrètes. Ils ont commis des attentats. Ils ont commis des assassinats. Ila akhire. Comme on a détaillé ensemble, wallahi alhamd. Fabel Laden, il s'est mélangé à Haoula. Et fait le haqiqa, son groupe, son organisation Al-Qaïda, c'est une organisation. Une branche des frères musulmans. Ni plus, ni moins. فمؤسس هذا التنظيم, donc ceux qui ont instauré cette organisation, bien sûr, Oussama Bin Laden, ولد عام 1957, il est né en 1957, في مدينة الرياض, في المملكة العربية السعودية. Donc, il est né à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. وتأثر بن لادن فكريا برجلين. On le répète, بن لادن, ses pensées, elles ont changé à cause de deux hommes, عبد الله عزام et أيمن الظواهري. أما هذا أيمن الظواهري, et c'est le numéro 2, et c'est lui qui est devenu le chef d'Al-Qaïda après la disparition de بن لادن. Il est né en 1951 في مصر, en Égypte. وهو رئيس التنظيم بعد بن لادن. C'est devenu le chef de cette organisation après بن لادن. والظواهري كما تقدم معنا إخواني وتأثر بفكر السيد قطب. Et هنا c'est très très important de faire le lien entre toutes ces étapes. قال أيمن الظواهري كما في قصة جماعة الجهاد وصاحب القصة الكاملة إلا رابورتي قال بعد قتل سيد قطب ورفاقه واعتقال الآلاف من أبناء الحركة الإسلامية حصل من جراء ذلك تفاعل فوار مع أفكار سيد قطب ودعوته. أيمن الظواهري donc c'est un égyptien, il est en Égypte et il connaît très bien Saha هناك, il connaissait très bien ce qu'il se passait هناك. Et il a informé après la mort de Sayyid Qutb, il a été pendu en Égypte. فكثيرون من الشباب, ils l'ont élevé au-dessus d'un rang qui n'était pas le sien. Al-Rajul, c'était un takfiri et il avait beaucoup d'égarements qu'on a expliqué, walillahi alhamd, dans une autre kalima, les égarements de Sayyid Qutb. Et ils ont commencé à exagérer et à propager ces livres. قال وبداية الشكل نوت الحركة الجهادية المعاصرة في مصر ثم الحركة أي الجروب de هؤلاء المفسدين qui prétendent appeler au jihad, il a commencé à se former en Égypte. وهكذا تكونت النوى التي انتمى إليها كاتب هذه السطور أي الحركة الجهادية الإسلامية في مصر ثم ils ont fondé leur organisation أي les مجاهدين d'Égypte. Et Ayman al-Zawahiri, il faisait partie de ha'oula. Wa qala kadhalik kama fi jarida al-Sharq al-Awsat, inna Sayyid Qutb huwa alladhi wada'a dustur al-jihadiyyin. Sayyid Qutb, c'est la référence de tous les jihadiyyin, comme ils se prétendent hum. Wa illa fa c'est des mufsidin, ils sont très très loin du jihad al-Shar'i. Qala fi kitabihi ad-dinamit ma'alim fi at-tariq. Ay hadha al-kitab, on en a parlé dans plusieurs livres, c'est la référence des khawarij et des takfiriyin de notre époque. كما قال احد هؤلاء الظواهري لويمم الا سيتي قال وان السيد هو مصدر الاحياء الاصولي اي c'est devenu la référence dans l'aqida pour tous ces jeunes. قال وان كتابه العداله الاجتماعيه في الاسلام يعد اهم انتاج عقلي وفكري للتيارات الاصوليه. كذلك un deuxième livre, Al-Adala al-Ijtima'iyya fi l'Islam. Donc il a écrit deux livres. Ces deux livres, c'est les principales références de chaque takfiri, de chaque khariji à notre époque. Que ce soit Daesh, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Al-Ikhwan, Al-Muslimin, que ce soit Sururiya ou autre, tous, ils ont comme référence هذه الكتب. Ma'alim fi al-Tariq et Al-Adala al-Ijtima'iyya de Sayyid Qutb. قال وإن فكره كان شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية أي فكر السيد قطب أي هذا المنهج الجديد كلا بازي sur les fondements de الخوارج أي من الظواهري قال c'était l'étincelle qui a illuminé هؤلاء et tous les groupes de takfiri ils ont profité de ces كتب. Et عياذا بالله, ils ont fait le mal qu'ils ont fait. وتقدم معنا قول المنتصر زيات واستطاع الظواهري أن يحدث تحولات جذرية استراتيجية في فكر أسامة بن لادن بعد التقايا. أي أيمن الظواهري quand il a rencontré Osama bin Laden en 1988 en Afghanistan, il a réussi à lui faire changer sa vision des choses. لماذا لأن Osama bin Laden l'a grandi en Arabie Saoudite. Et il ne connaissait pas ses livres, il a akhiri à cette époque. Donc, quand il a rencontré Hadal Ikhwani, il a réussi à lui faire changer de pensée et de direction. Yadam Billah. Fatandim al-Qaïda fikrun tafarra'a min jama'at al-Ikhwan al-Muslimin. Donc, cette organisation, c'est une branche parmi les branches des frères musulmans. Wa hadha asbaha ma'louman 'ind al-kathir. Wa lillahi al-hamd, à notre époque, beaucoup de gens, ils savent hadha. أما أصول هذا التنظيم أما les fondements de cette organisation après avoir cité un bref historique ثم الشخصيات les guides les imams de cette organisation on cite leurs fondements. Le premier fondement c'est التكفير تكفير المجتمعات الإسلام أنهم ils rendent mécréants les gouverneurs et ceux qui leur obéissent أي tous les pays musulmans. وهذا الفكر الخارجي التكفيري كما تقدم معنا أخذوه من سيد قطب فهو المرجع عندهم. Et on peut citer une parole هنا de Sayyid Qutb pour ceux qui n'ont pas écouté le cours sur ces égarements. قال كما في معالم في الطريق فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة وهي إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها. Donc, موقف الإسلام من هذه المجتمعات, la position de l'islam par rapport à tous ces pays musulmans, en Afrique, au Maghreb, en Asie, la péninsule arabique, au Moyen-Orient, il a akhiri, tous ces pays musulmans, qala en une phrase, innahu yarfad al-i'tiraf bi islamiyyat hadhihi al-mujtama'at. Ay, l'islam, il ne reconnaît pas, ou il n'approuve pas, que ces pays, ça soit des pays musulmans. Hada takfir wadih. Ta'ammalu annahu takfir al-an lil-hukam wa lil-jami'. Ay, il a fait sortir de l'islam al-an, les gouverneurs et ceux qui vivent dans ces pays. وقال في ظلال القرآن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله. هذا كذلك قول عام. البشرية عادت إلى الجاهلية. أي tous les êtres humains sont revenus à la jahiliya. أي l'époque pré-islamique. أي des كفار. وارتدت عن لا إله إلا الله. Ils ont tous apostasie. Même s'ils disent لا إله إلا الله. قال البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمة لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. ثم il a fait une autre précision ou un توكيد, il a insisté. قال البشرية بجملتها أي tout le monde, même الذين يرددون على المآذن, même ceux qui font l'adhan في مشارق الأرض ومغاربها, que ce soit l'est ou l'ouest, et dans les pays musulmans, même ceux qui font l'adhan ou ceux qui prononcent la ilaha illallah, c'est pour montrer à tout le monde. Tout le monde. Ceux qui font salat, ceux qui font le hajj, ceux qui font des efforts, ceux qui en font moins. Et wallahi alhamd, tout cela c'est des musulmans, ils prononcent la ilaha illallah ila akhiri. Faqala bila madloul wala waqi'. Et ils prononcent la ilaha illallah, mais c'est d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des croyants. هذا كلام سيد قطب. تأمل الآن كلام أسامة بن لادن. قال أسامة بن لادن كما في مقال إعلان الجهاد على الأمريكان صاحب القصة الكاملة إلا رابورتي, قال إن المفاسد العظام قد فشت والمنكرات الجسام قد طغت ولا ينكر وجودها أعمى أو أصم. أسامة بن لادن هنا يكسبك أن beaucoup de péchés se sont propagés dans les pays musulmans. قال ناهيك أن ينكرها سميع بصير حتى وصلت إلى الظلم العظيم وهو الشرك بالله ومشاركة الله في تشريعه للناس. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم, فشرعت التشريعات الوضعية تبيح ما حرم الله كالربا وغيره حتى في البلد الحرام عند المسجد الحرام. ثم هنا إلى ديمونتخينا les gouverneurs, ils font du shirk, les malas, les anahum, ils autorisent des choses haram, comme l'usure, etc. Et hada, c'est très très important. Si on revient à la parole de Sayyid Qutb et d'Oussama bin Laden, vous remarquerez que les deux, Oussama bin Laden, il a pris comme référence Sayyid Qutb, et Sayyid Qutb, il a fait sortir les musulmans, pas parce qu'ils font du shirk fil ibad. C'est pour ça que haoula, que ce soit Sayyid Qutb, que ce soit l'Ikhwan, que ce soit le Qaïda, ils ne mettent jamais en garde contre le shirk fil l'ibada. Le fait d'adorer les tombes, ils ne donnent pas beaucoup d'importance à ce point. Et indahum, le shirk, c'est le shirk fi al-tashri'a, ou al-hakimiyya. C'est pour ça que Sayyid Qutb, il a expliqué التوحيد بالحاكمية كما سيأتي. Essayez de retenir هذا, c'est très très important pour comprendre la suite. فكلامه واضح هنا de أسامة بن لادن أن الشرك في التشريع. La preuve, il accuse les gouverneurs de légiférer, de rendre halal les intérêts, etc. وكذلك في هذا النقل أن من فعل كبيرة وجهر بها فهو مستحيل عند بن لادن. Et ça, c'est madhhab al-khawarij. Personne ne peut nier qu'il y a du haram, qu'il y a des grands péchés dans les pays musulmans. ça soit la musique, que ça soit l'alcool, que ça soit l'usure, les banques, etc. On est tous d'accord. Lakin bin Laden, pour lui, vu, et ça c'est madhhab al-Khawarij, vu que les péchés sont propagés, et vu que le gouverneur, il n'enlève pas ses péchés, donc le gouverneur, il accepte, il aime, et il autorise, il légifère. Et ça c'est du shirk. Fa'indahum, les grands péchés, s'ils sont faits en public et constamment, pour eux, forcément, c'est que tu rends halal ce péché. Hadi, c'est une choubha khatira. Hadi, c'est très très grave. C'est madhhab al-Khawarij. Ma aqidat al-Sunnah, c'est que ça reste des grands péchés. C'est très très grave, lakin ça fait pas sortir de l'islam. Est-ce qu'un musulman qui utilise l'usure ou qui boit de l'alcool, même si c'est régulièrement, est-ce qu'on peut le faire sortir de l'islam? Abadan. C'est un péché. Lui-même, c'est un musulman. Il reconnaît que c'est un péché. Là, il a des faiblesses, il suit ses passions, il a akhira. C'est forcément du shirk. Les anahos, s'il le fait, c'est qu'il l'autorise. Et s'il l'autorise, c'est qu'il pense que c'est halal. Et s'il pense que c'est halal, il contredit Allah subhanahu wa ta'ala dans son fara. Et c'est ça, le shirk. Wala shak anna sabab takfirihi li wulat al-umur fi bilad al-haramayn, comme on a cité. Il pense qu'il n'y a qu'un pays musulman. Donc, même l'Arabie Saoudite, pour lui, ce n'est pas un pays musulman. Pourtant, tu as un malou. Dans le même cas, l'Arabie Saoudite, ils appliquent la charia. Et il est né là-bas, il a vécu là-bas, et il le sait très bien. Lakin, c'est quoi qui l'a fait changer de position? Malgré que c'est un pays musulman, c'est afdal bilad al muslimin. Ils appliquent la charia, c'est bilad al-haramin. Il y a les deux mosquées saintes, etc. Lakin, les grands péchés pour lui, c'est un annulatif de tout cela. Et c'est ça, madhhab al-Khawarij. Amma ma yata'allaq bi tawhid al-hakimiyya, fa istafadahu min Sayyid Qutb. Tawhid al-hakimiyya, al-Khawarij, ils ont ajouté un quatrième qism au tawhid. Inda ahl al-sunnah, tawhid, c'est trois catégories. Certains savants, ils le divisent en deux. توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات هؤلاء ils ont ajouté une quatrième catégorie توحيد الحاكمية أي unifier الله سبحانه وتعالى في الحكم أي celui qui juge par autre que les lois d'Allah c'est un كافر alors que أهل السنة أولا عندهم الحاكمية ça rentre في توحيد العبادة توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, lahu al-hukm wa yahkum ma yurid, ça rentre fil rububiyya, et nous, en tant que mu'min, on doit appliquer les lois d'Allah. Donc, tawhid al-hakimiyya, ou ce qu'ils appellent tawhid al-hakimiyya, ça rentre fil rububiyya ou fil uluhiyya. Comme a bayyana al-shaykh al-Uthaymeen wa ghayru, alayhim rahmatullah. Thaniyan, anna inda ahl al-sunnah, anna le fait de ne pas juger avec les lois d'Allah, c'est pas du kufr ala al-itlaq. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس كفر دون كفر فعند أهل السنة أنه c'est du kufr ça fait sortir de l'islam celui qui juge par autre que les lois d'Allah en pensant que c'est autorisé en pensant que c'est pareil que les lois d'Allah en pensant que c'est meilleur أما s'il juge par autre que les lois d'Allah il reconnaît son tort ses faiblesses لكن c'est un Ça reste un péché parmi les péchés, un péché très très grave, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. On revient à la parole de Sayyid Qutb al-An pour vous expliquer, vous simplifier hadhihi al-mas'ala, et c'est très très important. Si on arrive à comprendre ce point sur Tawhid al-Hakimiyya, ou ce qu'ils appellent Tawhid al-Hakimiyya, et la base de cette pensée c'est Sayyid Qutb, tu comprendras les égarements de l'Ikhwan. De Al-Qaïda, d'Oussama Bin Laden, de Daesh et de tous les Khawarij de notre époque. فقال سيد قطب كما في كتابه العدالة الاجتماعية إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في الواقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله. Jusqu'ici, tu penses que le kalam il est juste. Et pour que la religion elle soit acceptée, elle soit authentique, pour que quelqu'un rentre dans l'islam, il doit prononcer la ilaha illallah. Lakin ta'ammal comment il a expliqué le shahada. Qal ay la hakimiyya illa lillah. Pour lui, le fait de dire la ilaha illallah, c'est la hakimiyya illa lillah. Et si tu juges par autre que les lois d'Allah, azza wa jal, tu annules ta shahada et tu deviens un kafir. Qala حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. وقال في ظلال القرآن إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدته التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. Vous avez vu que ce kalam, il ressemble au kalam de Bin Laden. Bin Laden استفاد من هذا. ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة. سيد قطب. سيد قطب تعلمون أنه il est mort à la fin des années 60. Pour lui, il n'y avait pas de pays مسلم. لماذا? On revient à ce qu'on a expliqué quand on a cité la parole de Bin Laden. فكفر جميع البلدان الإسلامية. ولو كانوا موحدين في عبادة الله. Même si ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, même s'ils disent la ilaha illallah, pour lui, c'est des mouchrikoun. لماذا قال السيد قطب في معالم في الطريق واخيرا يدخل في اطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها انها مسلمه. Pour lui, ces pays, c'est des pays de jahiliya, c'est des kuffar, c'est des mécréants, même s'ils prétendent être musulmans. Pourquoi? قال وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله. Même s'ils ont la croyance, la conviction qu'il n'y a que Allah qui mérite l'adoration. Même s'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et même s'ils appliquent le tawhid. قال تعطي خصائص الألوهية لغير الله فتدين بحاكمية غير الله. Vous avez remarqué, هنا, أنه pour lui, le tawhid c'est الحاكمية. Vu que le gouverneur est juge par autre que les lois d'Allah. Vu que ces croyants ils vivent sous l'autorité de ce gouverneur et ne se rebellent pas et ils acceptent son autorité et ils lui ont prêté allégeance, etc. Pour eux, c'est tous des koufars. Alors que c'est des menteurs. Et on a un exemple que Al-Mamlaka Al-Arabiya Saoudia, ils jugent par les lois d'Allah. Malgré cela, leur première cible, c'est l'Arabie Saoudite. Haqidoun. Et ils détestent ulama al-sunnah et ils détestent les gouverneurs des musulmans à cause de leur pensée de Khawarij. وقال أسامة بن لادن كما في توجيهات منهجية فالذين يريدون أن يقولوا للناس أن الدين موجود مع أن الإمام قد كفر بالله ورسوله منذ قرن من الزمان وأقيم بقوة الإنجليز إلى آخره. هنا كفر الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. الملك عبد العزيز رحمه الله. فقال فالذين يريدون يقولوا للناس أن الدين موجود. أي ceux qui essayent de dire que la religion elle est encore présente مع أن الإمام قد كفر بالله. Pourtant l'imam, هنا il vise le roi d'Arabie Saoudite, il est sorti de l'islam. Donc pour lui, si l'imam il est sorti de l'islam, il n'y a plus de din. انظروا على الظلم. Injustice envers ce gouverneur musulman. بل الملك عبد العزيز رحمه الله faisait partie des salihin al-mujahidin. Et كذلك ظلم للمجتمع كله. قال وهذا كافر بالله لا يمكن أن يكون إماما لا يبقى الدين حاكما إذا كفر الإمام. فهذا الفقه لابد أن يبقى واضحا جليا عندهم. يكفر الإمام نعم عندما يكفر الإمام ينتفض الناس لم يعد الإسلام موجودا. هذا التأصيل إلى خطير. هذا سيدخل خير سلمة. Il sort de l'islam, le gouverneur, c'est plus un musulman, il n'y a plus de dîme. C'est pour ça que vous avez remarqué que Haoula, ils rendent mécréants le gouverneur. Thumma, ils rendent mécréants ceux qui suivent son autorité et ceux qui l'accompagnent, l'armée, les ministres, le gouvernement, etc. Thumma, ils concluent, à la fin, ils rendent mécréants Al-Shab, toute la population. Les Mahadal, il y en a cette population, elle accepte l'autorité de ce mécréant. Wallah al-musta'an. Fabisabab hadihi al-aqid al-fasida. À cause de cette croyance de Sayyid Qutb, aqidat al-Khawarij, kaffaru al-imam, wa kaffaru man lam yukaffir al-imam. Donc ils ont rendu mécréant le gouverneur, ils ont rendu mécréant ceux qui ne rendent pas mécréant le gouverneur. Ils ont une règle, celui qui ne rend pas mécréant le kafir, c'est un kafir. Donc si toi tu acceptes l'autorité de ton gouverneur, pourquoi t'es un kafir? L'imam al-Aliana, tu acceptes la mécréant. Et celui qui accepte la mécréant, c'est un mécréant. وكذلك بسبب انحرافهم في باب الحاكمية فتركوا جميع تركوا طريق جميع الأنبياء والمرسلين في باب التوحيد في باب توحيد رب العالمين والنهي عن الشرك والتنديد. كذلك ils ont délaissé la voie de tous les prophètes et les messagers. قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة الأنبياء والرسل elle est basée, la voix de tous les prophètes et les messagers, alayhi salatu wasalam, elle est basée sur Tawhid al-Ibadah. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ammahum, là, ils ont mis comme base, il faut que le gouverneur il juge avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا اعتقدوا أن جميع الدول الإسلامية كفرت إلا دولة طالبان كما تقدم. C'est pour ça qu'ils ont cette aqidah, comme Osama bin Laden, أنه tous les pays musulmans ils sont sortis de l'islam sauf l'Afghanistan. مع أن هذه الدولة دولة أفغانستان دولة طالبان elle était connue pour le khurafat et كثير من المجاهدين à cette époque ils portaient des talismans. وبعضهم c'était des mutaassiba les de certains madhhab بعضهم ils demandaient aux morts وبعضهم c'était des sosies. Et مع هذا ça dérangeait pas هؤلاء التكفيريين. Pourquoi? لأنهم ils ont un khalal dans la base de l'islam. Ils ont un problème dans le fondement de l'islam, la shahada qu'ils n'ont pas comprise et qu'ils ont déformé. فلهذا Osama bin Laden il arrive à un niveau أنه il défendait le gouvernement taliban avec tous leurs égarements. Et il critiquait Dawlat al-Tawhid, al-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya. Ah, c'est ça le résultat de l'ignorance des passions et des mauvaises fréquentations. Falihad al-Hadr, critiquer ce pays, c'est pas simple. Et nous, on le défend pas pour une raison de dunya. Et on défend pas l'Arabie Saoudite pour une raison de dunya. Là, on défend pour ad-din. Limada liyanna ceux qui critiquent hadh al-bilad, imma c'est des koufars. اليهود والنصارى etc. اللي كريتيك نويت جور اما ضلال من اهل البدع والاهواء الخوارج انهم ils ont des choubah dans leur din et ils les critiquent. Et ça veut pas dire on le répète ان c'est parfait ان هو يا با دي péché ان on accepte tout là on accepte le Coran et la Sunna لكن rejeter le khair fermer les yeux bel suivre les ennemis de l'islam en critiquant ce pays qui fait le plus d'efforts qui applique les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala même s'il y a des faiblesses dans certains points, on doit les aider bid'a. C'est nos frères musulmans. Ben, ils ont fait énormément de khayr. Et l'être humain, il n'est pas infaillible. Lakin al-mu'min, lil-mu'min kal-bunyan, yashud ba'dahu ba'dha. On doit s'entraider, on est comme une construction. Amma, les critiquer, et nous-mêmes, on ne fait pas d'efforts, fahada, c'est pas min as-sunnah. Ben, les critiquer tout court, c'est pas min as-sunnah. لماذا لأنهم سيدي مسلمون وانا بارو دو كريتيكي لي غوفرنور الى اخره. وهذا علي المعبدي احد المفجرين في احداث الرياض. هذا سي ان جون كي سي في اريتي ا كوز دي زاتانتا دو رياض او ديبي دي زاني 2000 اي ايليون بوزي لا كيستيون لماذا سي كوا كي لا بوسي ا فولوار سو فير اكسبلوزي. Et certains, ils sont morts. Il y a eu des dizaines de morts. Et Houa, il n'est pas mort. Et il fait partie de ceux qui ont fait ces attentats. Ils lui ont demandé pourquoi « qala li'iqamati dawla li'iqamati dawlat al-islam ». On fait ces attentats pour instaurer un pays islamique. Ça montre quoi ? Il n'y a plus de pays musulmans. Il n'y a plus. C'est pour ça que ces attentats, pour eux, c'est contre des koufars. Ces tueries, c'est contre des mécréants. Même si c'est en Arabie Saoudite, même si c'est au Maroc, même si c'est en Algérie, même si c'est dans n'importe quel pays musulman, ayyadan billah. Un autre témoignage, Ali Jabir al-Shahri, walid al-Matloub, amniyan, sa'id, za'im, tandim al-Qaïda fi jazirat al-Arab, le père de Sa'id, et Sa'id Hada, c'est un des leaders de l'organisation Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et son père y raconte, et en parlant de son fils qui fait partie de l'Al-Qaïda, « قال كفر ابني سعيد كل الأمة والثقات من أهل العلم » Il rapporte que son fils y rend mécréant toute la communauté. Même les savants. « قالوا على رأسهم الشيخ بن باز رحمه الله » Même الشيخ بن باز, il l'a rendu kafir. هذا الآن, c'est un jeune saoudien. Son père y témoigne. ثم قال ولم يكتفي بذلك فحسب بل كفرني معهم. Même son père, il l'a rendu mécréant. لماذا لأن son père, il n'a pas accepté la position de son fils. Et il lui a montré comment tu rends mécréant nos gouverneurs, nos savants, la communauté. Pour lui, Automatiquement, il a réagi en tant que tekfir et en tant que kharidi, vu que son père, il ne rend pas mécréant les mécréants, lui-même c'est un mécréant. Na'oudou billah. Fama salima min ha'oula ahad. Il n'y a qu'eux qui sont sur le droit chemin. Et pour eux, tout le monde est sorti de l'islam. C'est ça qui les a poussés à takfir al-am, le fait de rendre tout le monde mécréant. Et la conséquence, ou les conséquences de cette aqida, cette pensée, cette croyance, est que tout le monde est mécréant. Pour eux, ça a donné deux choses graves. Al-Khuruj al-Hukam, la rébellion contre les gouvernants musulmans, et kadhalik istibahat dima al-Muslimin. Et kadhalik, ils ont fait couler le sang des musulmans et autres que les musulmans avec les attentats et les tueries. Et c'est les deux prochains points. Donc, al-Khuruj al-Hukam. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع الحديث اللي في صحيح مسلم. Donc من أصول أهل السنة والجماعة c'est السمع والطاعة للأمير أي on doit obéir et écouter le gouverneur مسلم. كما قال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله. L'unanimité des savants que c'est une obligation d'obéir au gouverneur, bien sûr, tant que c'est pas un péché. وقال حرب الكرماني في إجماع السلف في الاعتقاد وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البت. أما si le gouverneur il ordonne de faire un péché, on n'a pas le droit d'obéir. لماذا؟ لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. On a pas d'obéir à une créature pour désobéir au créateur. قال وليس لك أن تخرج أو ليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقا. Et malgré cela, ça ne veut pas dire qu'on peut se rebeller là. On ne lui obéit pas à ce gouverneur pour ce péché. Et مع هذا, on continue à obéir dans le reste et surtout on n'appelle pas à la rébellion. Ça c'était la voix des salaf. Et on a déjà détaillé ce point كثيراً. قال السيد فضل ويقال كذلك il l'appelle السيد إمام الشريف وهو أحد قادة التكفيريين. C'est une référence pour هؤلاء السفهاء, pour التكفيريين de notre époque. قال وقتال الحكام المرتدين أولى من قتال اليهود والنصارى والوثنيين لثلاثة أوجه. C'est une référence, son livre هذا pour هؤلاء العمدة. أنه il a prétendu que combattre les gouverneurs qu'ils ont apostasés et les gouverneurs musulmans, c'est plus important que de combattre les juifs et les chrétiens pour trois raisons. La première, قال أنه جهاد دفع متعين. أي c'est un jihad دفع pour repousser l'ennemi. Et معلوم أن jihad الدفع il passe avant jihad الطلب. Donc pour lui c'est un jihad pour repousser l'ennemi. الثاني كونهم مرتدين. Deuxièmement c'est des apostats. Troisièmement كونهم أقرب للمسلمين والأشد خطرا وفتنة. Et كذلك c'est un danger plus grave pour les musulmans. لماذا؟ لأنهم gouvernent les musulmans. Donc هذا التكفيري il a prétendu هذا et si on a compris le premier fondement, pour eux c'est واضح. Pourquoi? Il n'y a aucune différence. L'apostat, c'est un mécréant. Les juifs et les chrétiens, c'est des mécréants. Ben, pour eux, ces apostats, ils sont plus dangereux que les mécréants comme Al-Yahoud ou Al-Nasara. وقال أسامة بن لادن كما في لقاء مع قناة الجزيرة en 2004 يا أمة الإسلام ثوري على الظلم والطغيان. Ça, c'est un appel à tous les musulmans qu'il a fait, Oussama bin Laden, de se rebeller contre les gouverneurs. قال السعي لحشد الأمة للخروج بمظاهرات شعبية وعصيان مدني حتى سقوط الحكومات الخائنة. Il a fait cet appel que tout le monde se rebelle avec des manifestations et autres pour que tous ces gouvernements y tombent. قال والسعي للخروج على أئمة الكفر والنفاق الذين ارتدوا عن دينهم ونعم وخانوا أمتهم. هنا تكفير واضح وصريح de tous les gouverneurs. Pour lui, tous ces gouverneurs, c'est des mécréants, c'est des hypocrites, et il a appelé à la rébellion. Par rapport à hadhihi al-aqida qu'ils ont, takfir al-hukam, et le fait de se rebeller al-khuruj, ha'oula al-khawarij, vu que pour eux, ce gouverneur, il n'a aucune autorité, ils ont fait al-bay'a à d'autres. Al-bay'a, c'est prêter allégeance. Al-muslim, il prête allégeance à son gouverneur. C'est pour ça qu'il doit obéir au gouverneur. Le gouverneur, il a une place que les autres, ils n'ont pas, etc. Amma ha'oula, ils ont fait le bay'a à d'autres. Ayman al-Zawahiri, kama qala Abu Mus'ab al-Suri, hada kadhalik, c'est un mufakkir, parmi leurs mufakkir, c'est une référence de ha'oula al-Dhullal. Il a dit dans son livre Da'wat al-Muqawama al-Islamiyya al-Alamiyya, a'lana al-Doktor Ayman ببيعته للشيخ أسامة بن لادن وضم تنظيم الجهاد لتنظيم القاعدة أوساط سنة 2001. En 2001, Ayman al-Zawahiri, il a prêté allégeance à Osama bin Laden. لماذا؟ لأن pour eux, c'est devenu l'amir. Vu qu'il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas d'autorité compétente, d'autorité de musulman, donc ils ont prêté allégeance à Osama bin Laden. وهذا معروف عند هؤلاء الخوارج. وهكذا أبو مصعب الزرقاوي, un autre تكفيري qui est connu. كذلك قال في بيان البيعة لتنظيم القاعدة بقيادة الشيخ أسامة بن لادن بيعة الأمير أبي مصعب الزرقاوي للشيخ المجاهد أو للشيخ المجاهدين أسامة بن لادن. نعم. هذا c'était au milieu des années 2000. أما le troisième point, c'est التفجيرات. والعمليات الانتحارية أي les attentats suicides, les tueries. Et هذا تقدم معنا, c'est la conséquence de leur عقيدة فاسدة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله سبحانه وتعالى نهانا, il nous a interdit de nous suicider. تأمل قوله عز وجل إن الله كان بكم رحيما. Quoi qu'il se passe, malgré la dureté des épreuves, Akhir Karim n'oublie jamais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est rahim. Vous avez remarqué que ha'oula al-Khawarij, que ce soit le Qaïda, que ce soit Daesh, kathir minhum, ils ont désespéré. Ils n'ont plus aucun but dans la vie. Vu qu'ils kaffarent tout le monde, ils voient le mal partout, ils sont touchés par la paranoïa et une mauvaise aqida. Fabardoum, ils essayent d'emprunter pour eux le chemin le plus simple. Je fais un attentat suicide, je vais au paradis. Ça, c'est tariqat Abu Afa. Ça, c'est la voie des faibles. Illa al-jihad, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de nous suicider. Que dire celui qui se suicide et il tue des innocents. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man qatala nafsahu bi hadida, fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja, ay yat'an biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Rawahu Muslim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe à celui qui se suicide avec une chose, maintenant il met fin à ses jours avec une arme. كذلك في النار يوم القيامة وفي نار جهنم, et ça sera un châtiment pour lui. Ça montre quoi? Ça montre que c'est interdit. وعلم أن من أول من استعمل التفجيرات c'est الإخوان. On revient toujours à ce groupe. Connaître les égarements de Al-Ikhwan, Al-Muslimoun, à notre époque, c'est très très important. L'imad Ali-Anna, c'est la base. Beaucoup de groupes, à notre époque, la source, c'est Al-Ikhwan. Connaître ce groupe, connaître leur fondement, c'est min ahamma yakoun. Ali Ashmawi, dans son livre Al-Tarikh al-Sirri, les Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, قال Al-Hizam al-Nasif, أول من ابتكره الإخوان عام 1954 نعم لقتل عبد الناصر. هذا علي عشماوي من رؤوس الإخوان. Il a écrit un livre pour montrer des choses concernant ce groupe. Il a expliqué qu'on a les premiers à avoir utilisé cette méthode, les attentats suicides. Al-Hizam al-Nasif, c'est les ceintures explosives que بعضهم mettent pour se faire exploser. Les premiers, c'était eux en 1954. En 1954, bien avant l'apparition de l'Al-Qaïda, avant la naissance de Bin Laden et de Ayman al-Zawahiri, il a akhiré. pour assassiner Abd al-Nasser, le président égyptien. وقال أسامة بن لادن في شأن التفجيرات التي وقعت في الرياض. أسامة بن لادن il a dit, après les attentats de Riyad, les attentats suicides qui ont fait des dizaines de morts, il a dit dans قناة الجزيرة, شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض. Pour lui, c'est un honneur ce qui s'est passé à Riyad. Et il regrette de ne pas avoir participé. Et ça, ça montre que c'est des kidnappes. À ce genre d'attentat, ils ne participent jamais. Ha'oula, ils font des fatawas. Et les proies, c'est les jeunes ignorants. Et كذلك, ceux qui se font tuer injustement. Et Ha'oula, ils sont toujours derrière leurs écrans, cachés dans des grottes, dans des montagnes. Et توجيهات من بعيد. لكن يوم القيامة, ils auront une énorme responsabilité. Tout ce sang qui a coulé, tous ces enfants tués injustement, toutes ces femmes, tous ces vieux, tous ces musulmans qui ont été assassinés, بغير حق. وقال في شريط, dans un audio, en 1423, حرضنا الأمة لإخراج هذا العدو المحتل الغاصب لأرض الحرمين فاستجاب من استجاب من الشباب. Lui, il poussait les gens à agir pour faire sortir cet ennemi de la péninsule arabique et les troupes américaines. قال نرجو الله سبحانه وتعالى يتقبلهم شهداء. تأمل أولا أنه يسيت les kuffars. Et si tu viens à regarder les attentats dans les pays musulmans, la grande majorité qui meurt, c'est des musulmans. Probablement, il tue un kafir et en même temps, il tue 4, 5, 10 musulmans. Est-ce que هذا c'est min al-jihad fi sabilillah? Ça c'est le hawa, ça c'est les passions. هذا القتل, le fait de faire couler le sang, c'est devenu une passion pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala btalahum à cause de leur injustice. قال وقد رفعوا رأس الأمة عاليا. Ils ont élevé la communauté avec ces attentats. Est-ce que depuis cette époque, khasatan après 2001, après l'apparition de Bin Laden et les attentats du 11 septembre et l'organisation Al-Qaïda s'est fait connaître, est-ce que Al-Umma elle a vécu ses meilleurs jours? Abadan. Ben Robama, tu n'as rien fait, tu te fais accuser. Combien d'injustices? Les kuffars, ils en ont profité à cause de Ha'oula Al-Khubatha. Et Ta'ammal Huna, il parle de que c'est un bien pour la Umma alors que c'est les attentats de Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite. قال فنحن ننظر إلى هؤلاء الشباب كأبطال عظام ومجاهدين اقتدوا برسولنا صلى الله عليه وسلم. Pour lui, ces jeunes qui se sont fait sauter à Riyad dans des attentats suicides, c'est des abtal. C'est des hommes courageux, c'est des héros, c'est des exemples et c'est des mujahidin qui ont pris le prophète عليه الصلاة والسلام comme exemple. انظروا الكذب. Est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام il a déjà assassiné des musulmans injustement? Ça montre mal. Pour lui, Ha'oula qui sont morts à Riyad, ou les attentats de Casablanca, ou en Algérie, ou autres, dans les pays musulmans, pour lui, c'est des kuffars. C'est exactement comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait un mushrikin. قال فنحن حرضنا وهم استجابوا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأعمال الانتحارية محرمة والفاعل لها قاتل لنفسه. الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم, ils ont montré clairement que les attentats suicides, c'est interdit. Et celui qui met fin à ses jours, c'est un suicide. Même si c'est pour lui, fi sabilillah, même si c'est, il appelle cela djihad, même s'il est complimenté et il est élevé par Al-Khawarij, ça ne change rien. C'est une injustice. Wa nas'alullah al-thabat. Fakam labbasu ala ba'd al-shabab wa zalamuhum. Combien ils ont égaré, ils ont été la cause de l'égarement de beaucoup de jeunes, Ha'oula. Et كذلك كم شوهوا صورة الإسلام. Ils ont fait beaucoup de mal à l'islam et aux musulmans, et à l'image des musulmans, que ce soit en Occident, que ce soit au Moyen-Orient, partout, à cause de Ha'oula. حتى بعض الناس الآن, à cause de leur ignorance, ils ne font aucune différence entre Al-Qaïda, un takfiri, et un musulman qui veut appliquer son dîn, qui fait des efforts. L'ignorance et Ha'oula, ils en sont une des causes. فصدق الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. Il appelait Haoula Jama'at al-Fasad. Eux, ils se prénomment Jama'at al-Jihad, et le groupe du Jihad, et Cheikh Mokbel, il les appelait Jama'at al-Fasad. Naam, ils ont fait beaucoup de tort aux autres. Ils ont semé la corruption sur terre. Enfin, c'est des moufsidoun. Et d'autres égarements qu'on ne détaillera pas ici, l'essentiel, c'était les fondements. On peut citer en bref At-Tasahul fil Ma'asi. Ils ont un tasahul et ils accusent les autres de kafir, d'hypocrite, de mécréant, très simplement et très rapidement. Et avec eux-mêmes, ils ont un laisser-aller. Ajib. Bardohum, ils s'habillent comme des koufars. Bardohum, ils se rasent la barbe. Bardohum, ils vivent avec les mécréants et ils rendent mécréants leurs frères musulmans qui font des efforts. Hakada hal ahaoula. Bardohum, kadalik yusubur nafsa. Ils se prennent en photo, ils se filment, que ce soit pendant leurs combats ou autre que les combats, et ils propagent ça, il a akhir. Tout ça pour se montrer. Ria. Et kadalik, le fait de se prendre en photo, c'est haram. Ça vous montre quoi? Ça vous montre que Haoula, ils s'accusent les autres d'avoir fait du shirk dans le Hakimiyya et de ne pas obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qui c'est qui leur a autorisé هذا الحرام? De faire du haram. Ashadu min dhalik ba'dhum yasriq amwal al-ghayr. Certains, ils volent les biens des autres au nom du djihad. Qui c'est qui leur a rendu هذا licite? Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le vol. Que ça soit volé un croyant ou un mécréant, c'est haram. L'injustice, c'est haram, tu n'as pas le droit. Même ce kafir, ce mécréant, que ce soit un juif, un chrétien ou autre, c'est ses biens, il les possède. Tu n'as pas le droit de lui prendre bi'ayri haq. On n'a pas le droit, abadan. Sa voiture, c'est sa voiture, son argent, c'est son argent. Lakin, ils ont des fatwas via hada. قال أيمن الظواهري الإخواني الخبيث أما عن تحليل أموال المصارف فإذا كانت هذه المصارف حكومية فغنيمة أموالها جزء من الحرب على الحكومة وليست المصارف فقط كل مواد الدولة بحق المجاهدين غنيمة أي tous les biens des pays musulmans, des autorités, que ce soit les banques ou autres, tout ça c'est un butin pour les mujahidin. أي هذه c'est une fatwa claire qu'ils ont le droit de prendre. Ils ont le droit de prendre les biens des gouverneurs et ceux qui obéissent aux gouverneurs. Falihada, tu trouves Haoula, Nahum Yasrikoun, ils volent. Bardoum, Yadam Billah, ils violent, il a arrêté. Tout ça au nom du djihad. Falghaya tuberrir al-wasila. La taqtar Haoula, wallahi, Annahum, ils ont comme manhaj, manhaj al-khawarij, et kadalik, ils ont des pensées des ennemis de l'islam. Parmi les pensées qui sont propagés des ennemis de l'islam, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Vu que pour eux, l'objectif principal c'est le djihad et c'est de mourir fisabilillah, pour atteindre cela, tu as le droit à tout. Ça, ça ne fait pas partie de notre din. Abadan. As-sahaba radiyallahu anhum, ils ont fait le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était atqan nas. Salat à son heure, il ne commettait pas d'injustice, il ne tuait ni femme, ni enfant, ni vieux, et il faisait da'wah qabla dhalik ila akhirih. Leur jihad, c'était une lumière. Amma haoula, leur jihad, c'est les ténèbres, yadam billah, et ils ont sali l'image, et ils ont sali hadhihi al-ibad al-azim, ay ibadatu al-jihad. Amma aqwal al-ulama, pour finir, fashir ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, qala, أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض ويتحرى طرق الشر الفاسدة وخرج عن طاعة ولي الأمر. هذا الكلام ده الشيخ ابن باز أولا avant de l'expliquer, il a dit ce kalam rahimahou Allah en 1995, 6 ans avant les attentats du 11 septembre. أسامة بن لادن, il était inconnu chez la masse et chez la plupart des gens. هذا الإمام رحمة الله عليه en 1995, il fait beaucoup de mal sur terre. Et il s'est rebellé, il est sorti de l'autorité du gouverneur. Et le Cheikh Mokbel, rahimahullah, كذلك, cette parole de Cheikh Mokbel, en 1998, 3 ans avant les attentats du 11 septembre, إِنِّي أَبْرَ إِلَى اللَّهِ مِنْ بِلَّادٍ فَهُوَ شُؤْمٌ وَبَلَاءٌ عَلَى الْأُمَّةِ وَأَعْمَالُهُ شَرٌ كذلك الشيخ مقبل سي ديزاروي دو بن لادن 1998 الى ديمونتري كي فاز بوكو دو مال اي فاز بوكو دو مال على كوميونيتي. وقال الشيخ عبد العزيز للشيخ حفظه الله تعالى لاكتوال مفتي دو العربي السعوديه: يا اخوان هؤلاء هم مصدر الشر والفساد وهم ضالون في طريقتهم لانهم هم من اول الامر واظن لا يزالون هم تربية اعداء الاسلام ربهم اعداء الاسلام يفون دو مال. Et هنا الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى الى سيتم بريسيون امبورطون ان هؤلاء والله beaucoup d'entre eux ils ont été éduqués par les ennemis de l'islam ou avec les pensées des ennemis de l'islam. C'est pour ça que le résultat c'est quoi? C'est que ils ont fait beaucoup de mal aux musulmans, ils ont fait beaucoup de mal à la da'wa et les kuffar ils les utilisent pour salir l'islam. Et de nos jours, beaucoup de preuves claires que Osama bin Laden ou autres, ils avaient des liens étroits avec Al-Kuffar, avec les mécréants. Et c'est comme les Khawarij. Min zaman, annahum ils tuent les musulmans, et pour tuer les musulmans, كثيراً, ils s'entraident avec Al-Kafara. Et قال الشيخ صالح الحيدان حفظه الله تعالى: ولا شك أن هذا التنظيم تنظيم لا خير فيه ولا هو في سبيل الصلاح والفلاح. نعم il n'y a aucun bien في هؤلاء أشرار. Ils font beaucoup de mal. مفسدون في الأرض. On conclut هذه الكلمة أن après avoir résumé les fondements, et au départ on a c'était un bref historique, on a parlé des fondateurs et on a cité quelques fondements. Le fondement principal c'est le takfir. Si tu as compris هذا فلا يجوز لأحد أن يتهم أهل السنة السلفيين بأنهم من أتباع بن لادن الخارجي. On vit à une époque d'injustice. Tu trouves أن après ce genre de bayan وأهل السنة ولله الحمد c'est les premiers qui ont mis en garde contre بن لادن. C'est les premiers qui ont mis en garde contre l'Ikhwan. C'est les premiers qui ont mis en garde contre le Khawarij, contre le Qaïda, etc. Et ma'ahada, tu trouves des ignorants quand ils voient un frère, un sunni, un salafi, qui fait des efforts dans son din, qui ne fait pas de concessions, qui a des principes, l'aqida, ou manhaj. Et son modèle, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Et il fait tout pour suivre les compagnons, radiyallahu anhum. Et tu trouves, wahid, il l'accuse d'être un suiveur de Bin Laden. لماذا لأن هؤلاء ils n'ont pas compris. Ils pensent que Bin Laden c'est quoi? C'est un qamis avec une barbe. Ils se sont limités à هذا. Ils n'ont pas étudié la secte. Ils n'ont pas étudié les fondements. On doit faire attention. Ça c'est un conseil pour nos frères. وإلا والله الحمد طلبة العلم. Ils connaissent les égarements de هؤلاء. وكذلك استفدنا أن تنظيم القاعدة سيفرع من فروع القطبية. C'est une branche parmi les branches de l'Ikhwan al-Muslimin. Et plus précisément القطبية. أي les pensées de سيد قطب. وكذلك ننصح جميع الإخوان طلبة العلم وغيرهم بطلب العلم الشرعي. Faire des efforts في العلم. Vous avez remarqué que certains de ces jeunes qui ont commis des attentats suicides, qui ont commis des tueries, qui ont décidé de rejoindre les rangs de Al-Qaïda ou à de nos jours Daesh. Certains d'entre eux, ils aimaient l'islam et ils aiment l'islam et ils voulaient faire des efforts, mais l'ignorance. Cette ignorance à cause de certaines fréquentations et à l'époque de nos jours, c'est pas comme dans les années 80, comme on a cité au départ. De nos jours, Hadal Fikr, il est propagé dans les réseaux sociaux. Ses pensées, elles sont propagées sur Internet. Et Ba'd al-Shabab, certains jeunes, ils aiment l'islam. Et ils ont du mal à accepter toutes ces injustices contre la communauté. Thomas, sur Internet, ils tombent sur des mauvaises personnes. Thomas, des vidéos qui sont diffusées, l'injustice en Palestine, en Tchétchénie. Il a arrêté dans d'autres pays. En Chine, les musulmans qui subissent, Allah subhanahu wa ta'ala, an yansurahum. Et dans d'autres pays, Et à cause de l'ignorance et la fougue de la jeunesse et les sentiments, Haoula, ils en profitent pour propager leurs ambiguïtés. Et tu trouves ce jeune, du jour au lendemain, et il commence à critiquer les gouverneurs. Thomas, il critique les savants parce que les savants, ils ne critiquent pas les gouverneurs. Thomas, il critique ses frères, il délaisse ses frères parce que ce frère qui est à la sunna, il va lui dire là, il faut respecter les gouverneurs et il faut revenir aux savants. Thomas, ça devient Khalidi. Et du jour au lendemain, il abandonne sa famille. Il voyage. Il voyage dans tel ou tel pays. Thomas, un jour ou l'autre, ses parents, ils apprennent qu'il s'est fait sauter, qu'il a fait un attentat suicide dans tel endroit. Tout ça à cause de l'ignorance. Là, on doit apprendre notre aqida. Vous avez remarqué que Haoula, in harafu, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la shahada, le premier pilier de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah, ils ont pensé que c'était le hakimiyya. Alors que le hakimiyya, c'est une partie de l'ibad. Bien sûr que on doit juger que par les lois d'Allah. Et on doit faire salat que pour Allah. On doit se prosterner que pour Allah. Eux, ils ont délaissé toutes ces adorations pour expliquer la ilaha illallah, la ilaha illallah, et ils ont restreint hada à une ibada, al-hakimiyya. Thomas, ils ont kafir ceux qui n'appliquaient pas et ils se sont égarés. Alors, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts. On doit enseigner cela à nos enfants. Combien de parents ils sont à la khair et ils ont perdu leurs enfants à cause de ces ambiguïtés. On doit faire attention. Kadalik, on doit faire attention. Nos enfants, nos frères, ils fréquentent qui? On vit à une époque de fitna. C'est pas le premier que tu contactes ou qu'il te contacte sur Internet et tu le crois. Moi, il commence à te parler au début de l'islam, de la salat, de la fraternité. Son mal à la fin, il critique les gouverneurs. Kadalik, ils se sont égarés dans un bab azim. C'est tout ce qui concerne les gouverneurs. On doit étudier hadha al-bab. Tu trouves Al-An, et on est tous d'accord sur cela, que beaucoup de gens ils critiquent l'Arabie Saoudite. Beaucoup de gens ils critiquent les gouverneurs musulmans. Wallahi, beaucoup de gens ils ont les pensées de l'Al-Qaïda. Et eux-mêmes ils détestent l'Al-Qaïda. Ils pensent que l'Al-Qaïda c'est qu'une barbe. Alors qu'on le sait, wallahi, que beaucoup d'entre eux ils n'ont même pas la barbe. Et ils pensent que l'Al-Qaïda c'est des attentats suicides simplement. Les attentats suicides, c'est la conséquence des critiques sur ce gouverneur que toi-même tu critiques. On doit faire attention. On doit faire attention. Wallah, beaucoup de gens qui critiquent Al-Qaïda, c'est eux-mêmes, sans le savoir, qui encouragent les jeunes à rejoindre Al-Qaïda. Pourquoi? Parce que il n'y a plus chez certains les fondements de la sunna. Respecter les gouverneurs, respecter les savants, patienter sur l'injustice. Dès qu'on dit respecter les gouverneurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça ne veut pas dire qu'ils commettent pas d'erreurs. Ebeden! Lakin, la solution, ce n'est pas la critique en public. La solution, ce n'est pas la rébellion. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات من المراجع on répète القصة الكاملة لخوارج عصرنا c'est un kitab nafis il a rassemblé beaucoup de choses sur le khawarij de notre époque فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين